I don't know exactly what a prayer is. I do know how to pay attention, how to fall down into the grass, how to kneel down in the grass, how to be idle and blessed, how to stroll through the fields, which is what I have been doing all day. Tell me, what else should I have done? Doesn't everything die at last and too soon? Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Corsica, plastique radiophonique. Viene un final, pero también un principio, o si lo quieres ver de este modo, una transformación. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Corsica, modulando tu frecuencia. Thank you. à l'antenne aujourd'hui. J'entends que l'on meurt, que l'on vit, et l'insouciance qui nous fuit. L'insouciance qui n'a pas de prix. Ressentir petit à petit, plonger sans trouver d'abri, et l'insouciance qui me fuit. Sentir son cœur qui s'amoindrit. Il est si tard aujourd'hui. Pas envie, pas envie, pas envie. Et l'insouciance qui me fuit. Voilà le train qui me conduit. Les images et le bruit. La douleur et l'ennui. Et l'insouciance qui me fuit. Voilà le vide qui me remplit. Ne me ressemble plus aujourd'hui. Mais si, car c'est moi, tous ces plis. Et l'insouciance qui me fuit. L'insouciance qui n'a pas de prix. Qui a dit que c'est long la vie. Perdre la page de ses propres nuits. Et l'insouciance qui me fuit. Voilà le vide qui me remplit. Ressentir petit à petit. Plonger sans trouver d'abri. Et l'insouciance qui me fuit. Sentir son cœur qui s'amoindrit. Ya estamos inmersos en un proceso de transformación. Recibimos y transmitimos frecuencias. Estás escuchando. Estás escuchando Córsica. Modulando tu frecuencia. Estás escuchando Córsica. Modulando tu frecuencia. Afraid of the dark, my love. What would old hopes do with this pure heart? Where shadows inch like rising damp, their seaweed fingers will assault to be wakeful. Oh, what a night for naming stars and parking cars. To our cloud of down and sleep with me, angel, angel, hold your head up high. Are on, and all the goings on, the shouting mouths have gone. Though why should I care anyway? I'll see your sweet face every day, and that's everything. Oh, a prayer that I may never find you there. In an empty room, too tired to love, at a voting moon. Angel, angel, hold your head up high. Que sans mon corps près de toi, tu ne grandiras pas. Tu penses que tu serais mieux très, très loin de moi. Une fois parti, tu réaliseras que tu es seul. Prends ma main, ma petite main, le vent ici est fort. Et si je semble trop méchante, c'est que j'ai peur de toi. Pense, pense, pense une fois, tu réaliseras que sans mon cœur près de toi, tu ne grandiras pas. Emite tu propia frecuencia en lugar de absorber el ruido, los estados de ánimo, las expectativas y los miedos que giran a tu alrededor. La mayoría de las personas se mueven por la vida como antenas. Captan el estrés, las dudas, la ira y las limitaciones de los demás. Y luego, inconscientemente, transmiten esa misma energía al mundo. Pero cuando pasas de ser receptor a convertirte en transmisor, todo empieza a cambiar. Tu frecuencia es tu firma espiritual única, tu estado emocional, tus creencias y la energía que impulsa a tus acciones. Cuando emites intencionalmente luz, amor y paz, por ejemplo, en lugar de reaccionar con confusión o miedo, comienzas a influir en tu entorno en lugar de ser moldeado por él. please come home. Please come home. Make me home again. You have walked through the cold harbor lane. You have sheltered from thank you. this night.